Join me on RIG. R-I-G. Oh, la marche, c'est vachement toujours de Nexno. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Je suis très heureux d'être avec vous, même en ce jour férié. Bah oui, moi j'ai bossé, alors donc je continue en venant travailler à la radio. Mais est-ce que c'est un travail, la radio? C'est une passion pour moi, donc pas vraiment un travail. Je le ferais pour rien, tiens. Si on ne me payait pas à la radio, eh bien je le ferais quand même. Ben ça tombe bien, on ne me paye pas. Vous pouvez m'envoyer des dons à Thierry Ton, par exemple, boîte postale, je ne sais pas quoi. Bon allez, on est sérieux, vous êtes bien sur RIG 90.7, qui émet à nouveau sur la FM et sur Internet, sur le www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four numéro 351. Nous sommes le 1er novembre, bienvenue à novembre. Et l'album de la semaine, c'est Cloud 9 de George Harrison en 1987. On écoutera Cloud 9, le titre éponyme, et puis il y aurait That's What It Takes, Just For Today, This Is Love, Someplace Else, oula, Someplace Else, et Got My Mind Set On You. Évidemment, on ne pouvait pas faire l'impasse sur celui-ci, mais je crois que, juste pour le plaisir, je vous ai programmé l'extended version, donc ce qui ne figure pas officiellement sur l'album, mais la version un tout petit peu plus longue de Got My Mind Set On You, qui est assez sympa aussi. Voilà. Il y aura du Ringo Starr, du Lennon, du McCartney et des Beatles. C'est obligatoire, c'est dans les statuts de l'émission. Pour Ringo Starr, ce sera Back of Boogaloo sur Goodnight Vienna en 1974. Elle a été reprise deux fois, cette chanson. En 81 sur l'album Stop and Smell the Roses, et là sur le dernier album, l'album Give More Love en 2017, une version encore différente. J'aime bien la première, elle est très très bien la première. Pour Lennon, ce sera My Life, ah oui, sur l'anthologie 4. Si vous ne connaissez pas, ça n'est pas It's My Life, c'est une autre chanson, et vous verrez, c'est très très bien. Pour McCartney, ce sera With a Little Luck. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de la réentendre. Ce sera fait sur l'album London Town en 78. Et pour les Beatles, on commencera avec le début des Beatles en octobre 1962. Leur première chanson qui ne fait que 17e au Billboard. Et c'est pas mal pour un début. Love Me Do. Ce sera posé sur l'album Please Please Me With Love Me Do and 12 Other Songs en 1963. Voilà pour le programme, on est ensemble jusqu'à 22h. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four. Voici le premier titre, George Harrison, Cloud 9 sur RIG. Bonne soirée. Have my love, it fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out, should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. My smile and my heart, they even rose from the start. The pieces to admit are mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain on mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. it all your own. And if you want to quit, that's fine. While you're out looking for cloud George Harrison a émis deux phrases au sujet de cette chanson-là sur le gros bouquin que j'ai qui s'appelle I Me Mind, mais la ressortie du bouquin. Cloud Nine, je vais y arriver. C'est à propos de chacun qui cherche quelque chose de bien. S'il y a un peu d'amour par ici, eh bien, vous pouvez l'avoir. Et s'il y a quelque chose qui va mal à propos de ça, eh bien, je garde ce petit bout qui vient de vous et je vous verrai sur le Cloud Nine, c'est-à-dire l'équivalent français du septième ciel. Costa à l'instant sur RIG 90.7 et on me confirme que le streaming est revenu. Donc vous pouvez nous entendre sur Bordeaux, bien évidemment, sur 90.7, mais également sur le net, partout en France, en Europe, dans le monde, voire même, pourquoi pas, dans l'univers. Merci. Ok, but we like to have these things on record. That song gets such a scattered taste, huh? My life, take it, it's mine to give. Take it, let me live. In you, my life, take it, it's yours. Do what you will, I dedicate it. Do it, just me and you, and the little love. faut que ça termine vite sur le logiciel. J'étais en train d'écrire quelque chose, j'ai pas eu le temps de finir. Bon, c'est pas grave, vous allez bien. Hein. Merci à Paul McCartney d'avoir composé une aussi belle chanson en mettant en valeur pour la première fois en 1978 les synthés. Il a voulu essayer ça et il a largement réussi puisque ça a fait un numéro 1, cette chanson, With a Little Luck, et c'était vraiment très très très bien. Nous avons écouté George Harrison, Ringo Starr, un inédit de John Lennon qui est sur l'anthologie numéro 4 de Dakota qui est de 1998 et puis à l'instant Paul McCartney. Il ne reste plus qu'à écouter les Beatles, et puisqu'on parle des Beatles, nous allons parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres, et grâce à elle, vous savez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, même 366 s'il y a lieu lorsque c'est une année bissextile, donc tout sur John, Paul, Ringo et George. Vous pouvez vous renseigner, c'est une mine de renseignements, non seulement sur leur carrière, sur des vidéos, des inédits, même l'actualité de McCartney, l'actualité de Ringo Starr, même des copains de ces gens-là, comme Eric Clapton par exemple, les enfants également, pourquoi pas, Danny Harrison qui vient de sortir un album, et également les animateurs radio. Vous avez une rubrique, je suis allé voir, vous avez une rubrique qui vous dit le lundi c'est un tel, le mardi c'est un tel, le mercredi il y a la saga des Fab Four à 20h en France, à 21h il y a Daniel qui est en Italie. Je vous le dis comme ça, si vous comprenez l'italien, vous pouvez lui envoyer de bonjour de ma part. Et puis, donc, plein de renseignements. Allez-y, Beatles Magazine, uk.com, sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur plein d'autres stations, façons de parler. Et merci Beatles Magazine, je suis fatigué ce soir. Merci Beatles Magazine, merci Lovely Rita. La suite, c'est maintenant Love Me Do, reviens en arrière. Let's go. Entre ce premier Love Me Do tout gentillé de 1962, octobre 62, et on n'a même pas besoin d'aller jusqu'en 1970, vous prenez à partir de 67, on a fait un siècle de musique en 5 ans seulement, c'est vraiment très très impressionnant. L'album de la semaine, c'est Cloud 9, autrement dit 7e ciel en France, et c'est l'album de George Harrison, sorti en 1987 après 5 ans d'absence. Entre 1982 et 1987, soi-disant, il se serait occupé de son jardin, il en a avait marre de la musique business et de tous les requins qui s'y affairent, et il a arrêté carrément. Et il a eu envie de reprendre un petit peu, et tant mieux, parce que le retour était gagnant, un retour inattendu et vraiment très très bon, aidé par plein de copains. Il y avait sur l'album Jeff Lynne, forcément, un bon copain à lui, il y avait son pote Eric Clapton, il y avait Elton John, et puis d'autres, Jim Keltner, il me semble. Et là, je n'ai pas l'album sous la main, donc je ne peux pas vous le dire, mais un très très bon album, dont voici un autre extrait, That's What It Takes, sur RIG. Then we might as well start to make some changes. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open door. Universe 4 saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Beatles part deux fois, d'abord en 1963 et Please Mr. Postman sur l'album With the Beatles, leur deuxième album déjà, et puis en 1964, quelle très belle année, deux albums à venir, un film également à venir cette année-là, et sur l'album For Sale, donc à vendre, cette chanson 8 Days a Week qui sera évidemment classée numéro 1 et qui montrera que les Anglais dictent désormais leur loi aux charts de la planète. C'est un album que les Beatles ont eu de la peine à boucler parce que ils étaient absolument partout à la fois. C'est pour ça qu'ils ont une mine fatiguée sur la pochette. C'est pour ça qu'il y a quelques reprises sur cet album-là. Ils n'ont pas vraiment eu le temps. Ils se rattraperont après. Et d'ailleurs, ils vont même décider de ne plus faire de reprises, de ne faire que des chansons originales à partir de cet album-là. Et c'est un bon album quand même. Et c'est une très belle année, 1964. Des fois que vous ne le sauriez pas. Nous allons progresser jusqu'en 1971. Ce fameux album Imagine de John Lennon. Et cette chanson, c'est si dur, It's So Hard, John Lennon sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles. Beatles. 90.7 et www.rigfm.fr pour tout le reste de la planète. You got sommes revenus en 1964. Tell Me Why fut composé afin de fournir un morceau rapide à la scène de concert du film A Hard Day's Night. John se demanda ce que les Chiffons ou les Shirelles pourraient bien jouer et il pondit littéralement cette chanson. Les paroles portent bien la marque de John. Elle lui a menti et l'a abandonné. Il pleure. Il lui demande de lui expliquer ce qu'il a fait de mal pour pouvoir se corriger. Les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents ou qui les ont perdus très jeunes en retirent souvent un sentiment de culpabilité qui leur fait croire qu'ils en sont en partie responsables. Si c'est quelque chose que j'ai dit ou fait, dis-le-moi, je m'excuserai, chante John dans Tell Me Why. Il fallut attendre la thérapie primale qui suivit en 1970 pour que John surmonte enfin ses peurs inconscientes. Le psychothérapeute Arthur Janov lui fit analyser toutes ses chansons de l'époque Beatles pour qu'il comprenne ce qu'elles révélaient de ses angoisses. Sur le premier album publié après sa thérapie, John Lennon Plastic Ono Band, les thèmes de ses chansons révèlent les mêmes traumatismes, mais ils sont cette fois explicités en toute conscience, comme dans Mother, Hold On, Isolation ou My Mom Is Dead. Voilà ce qu'on peut vous dire au sujet de cette très belle chanson. En voici une autre très belle chanson, extraite de l'album de la semaine, l'album Cloud Nine de George Harrison, et une chanson surprenante, je trouve, sur la manière que prend George Harrison pour la chanter, et puis l'utilisation du piano, de presque rien des instruments habituels, en tout cas, de George Harrison. Écoutez, c'est bien, c'est très très bien, c'est George Harrison. I could try to live through this day only, not deal with all life's problems just for today. Sad and lonely, not be my own life's problem just for one night. If just today propos de cette chanson, George écrit dans le bouquin I Me Mine, j'avais trois potes qui étaient chez moi et ils étaient tous les trois alcooliques. L'un d'entre eux m'a montré cette brochure des alcooliques anonymes sur lesquels, enfin, cette brochure qui essayait de redonner un petit peu de consolation aux gens. Et il était écrit sur cette brochure, juste pour aujourd'hui, essayez de ne pas vous préoccuper de tout. Essayez de vous occuper d'une chose à la fois. Je pensais que ça sonnait bien et que je pourrais écrire une chanson à propos de ça. C'est l'un des deux slows de Cloud Nine. C'était vraiment pour tout le monde, je pense. Vous n'avez pas besoin d'être alcoolique. C'est une manière de se rappeler en général, de rester cool et d'essayer de ne pas s'occuper de tout en même temps. Voilà. Voilà ce qu'il disait à propos de cela. Et c'est une très, très belle chanson que vous appréciez puisque vous me le marquez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Voici les Beatles encore et toujours, bien sûr, avec You've Got to Hide Your Love Away suivi de In My Life sur RIG. To the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me and I hear them say, Saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. My life, I've loved them all. But of all these friends before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Mm-hmm. before. I know I'll often stop and think about them. I love you more. Ce soir, j'ai voulu chercher quelques chansons que je ne passe pas souvent, notamment une participation de Ringo Starr aux Traveling Wilburys, avec les Traveling Wilburys, pour être juste. Il chante I Call Your Name, et c'est dans une compilation pop-rock que j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, tiens, eh bien, pourquoi pas ne le proposer ce soir dans la saga des Fab Four. C'est fait, la voici, Ringo Starr et les Traveling Wilburys, donc la moitié des Beatles dans le groupe. Je le passe rarement, ce morceau, et ben, je suis content d'avoir eu envie de le repasser en fouillant un petit peu, en disant « Mais qu'est-ce que je passe rarement ?» Ah ben tiens, celle-là. Je pense que la prochaine, ce sera également pareil, mais ce qui est ça qui est bien, depuis que je ne vous fournis plus la playlist, vous découvrez, alors que moi, je sais. Voici l'album de la semaine et cette belle chanson « This is Love », Monsieur George Harrison, sur Cloud 9 et sur RIG. Ça, l'amour. C'était George Harrison à l'instant sur RIG. Je vous propose la cover de la soirée. La cover, vous savez, c'est une chanson que John, Paul, Ringo ou George, en tant que Beatles ou pas, ont chanté et qu'un artiste reprend, ou peut-être que vous, vous reprenez. J'ai quelquefois des chansons que vous m'avez envoyées qui sont bien, qui sont tout à fait exploitables en radio. Et à ce moment-là, ben, je les passe sans problème lorsque c'est bien fait. Et c'est la cover à ce moment-là de la saga. Cette cover-là, eh bien, c'est un groupe qui le fait. Le groupe Terre, Vent et Feu, Earth, Wind and Fire, à l'occasion du tournage d'un film plutôt raté malheureusement, alors qu'il aurait peut-être pu être bien, en 1978, le film s'appelle Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ils remettent au goût du jour le titre Got to Get You Into My Life à leur sauce à eux, et c'est vraiment très très bien. Les voici, le groupe Earth, Wind and Fire.

Side of John Lennon. Voici Paul McCartney maintenant. Live and Let Die sur la LG. You used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. J'aime bien cette fin, Live and Let Die, tirée de l'album, la bande originale du film The In-Laws en 2003, il me semble. Et c'est donc une version alternative que j'aime bien vous proposer de temps à autre. Voici maintenant les Beatles sur RIG, il est 21h14, encore 45 minutes d'émission. On va essayer de tenir le coup et on va essayer de ne pas déborder parce qu'Eric sera là ce soir. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Cloud Nine de George Harrison en 1987. La chanson que je vous propose, c'est Someplace Else. Que dit George Harrison à propos de cette chanson ? Il dit, j'ai écrit Someplace Else pour le film avec Madonna, Shanghai Surprise. C'était une chanson d'amour pour le couple coquin, pour les deux rôles joués par Madonna et Sean Penn. Ce film a été bousillé par la presse avant même que j'ai eu le temps de finir. Donc, j'avais pas envie de perdre cette chanson sur la bande originale du film, qui aurait certainement pas eu l'aval de la presse également. Donc, je l'ai gardé pour moi et je l'ai mise dans cet album-là. Ça, c'est moi qui le rajoute, mais c'est évident. Voilà, il avait préparé pour le film et il l'a mise dans l'album Cloud Nine. Et c'est tant mieux. La voici, cette chanson, Someplace Else, sur RIG. Un slow. Allez, on danse. You got into my life, I don't know how you found me, but you did. It stopped me heading someplace else. Took me a while to say, wish you belonged to me, but now I'm sad like I never be. I could leave them all in someplace else. I hope you won't let go. Maybe you let me know that you'll be saddened like you. I could leave them all in someplace else. I could leave them all in someplace else. Loneliness, empty faces. Wish I could leave them all in someplace else. fundamental as the stars above. It is benefiting every hand in glow. And you tell me it's a cold day in hell when you surrender for love and the chance to remember what we have to hold is more silver and time and place that we explore with no hesitation, knocking at that door. Open up your heart to love forevermore. And I tell you it's a cold day in hell, but we remember that song that starts out, love me tender. Try to explain, blew by you. What can I do with a heart of steel? I would impart what I've come to feel. Love is the answer and it is real. I'll always be there beside you. Déjà sur l'album Why Not de Ringo Starr, Paul McCartney chantait un duo avec son copain Ringo, Walk With You sur RG. Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet, quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RG. Where things were good. yourself to stay alive. Saga des Fab Four. You lift up my spirits, you shine on my soul. Whenever I'm empty, you make me feel whole. I can rely on you to guide me through any situation. You hold up a sign that reads, you hold up the sign that reads. Extrait de Chaos and Creation in the Backyard en 2005. Auparavant, nous étions en 1993 sur l'album Off the Ground et c'était la chanson Peace in the Neighborhood. Est-ce que je vous ai dit que c'était Follow Me la chanson? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, voilà. Et on reste avec Paul McCartney. Nous avons fait 2005, 1993. Remontons encore en arrière en 1967. Tu dis oui, je dis non, tu dis arrête et je dis vas-y. Simple, mais très efficace. You say stop, and I say go, go, go. Oh no. You say goodbye, and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Entorse à l'album de la semaine, ça n'est pas la chanson qui est contenue sur l'album Got My Mind Set on You, mais la version longue que je vous propose. We'll be right back. got my mind set. Excellente émission suivie par des milliers de personnes de Eric, Johnny de A à Z. En attendant, Do The Oz, c'est John Lennon sur RG. 1968, Obladi Oblada sur RG. La vie va dans le soutien-gorge. Life goes on, bra. La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? My position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. Yeah. sea. Kindly send her sailing back to me. Now, honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Come, come back to me, honey pie. Termine avec Where we going, fellas? Woman, une version différente. 2, 3, 4 For the other half of the sky. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success. Double Fantasy, la version normale, celle-ci, c'est la version du Strip Down. And don't forget, anyway, to choose love. Ringo Starr, pour finir, et cette chanson, Choose Love, extrait de l'album éponyme qui date de 2008. Day after day, we still got a long way to go. You choose love. Le regard ébahi d'Eric que je rends l'antenne à l'heure. Merci mesdames et messieurs, à la prochaine fois. Je vous embrasse les filles, je vous serre la main les garçons et je vous laisse entre de très bonnes mains celle d'Eric Gallo pour non pas la saga de, du Fab tout seul, mais la saga de Johnny de A à Z en live. À bientôt, salut, ciao. Je suis époustouflé, Thierry.